Me voici, mère. De quoi s'agit-il? Hamlet, tu as gravement offensé ton père. Mère, vous avez gravement offensé mon père. Allons, allons. Votre réponse est le langage d'un extravagant. Tenez, tenez. Votre question est le langage d'un coupable. Eh bien, qu'est-ce à dire, Hamlet? Que me voulez-vous? Avez-vous oublié qui je suis? Non, sur la Sainte Croix, non. Vous êtes la reine, la femme du frère de votre mari. Et plût à Dieu qu'il en fût autrement. Vous êtes ma mère. Eh bien, je vais vous envoyer des gens qui sauront vous parler. Allons, allons, asseyez-vous. Vous ne bougerez pas, vous ne sortirez pas, que je ne vous ai présenté un miroir où vous puissiez voir la partie la plus intime de vous-même. Que veux-tu faire? Veux-tu m'assassiner? Au secours, au secours, holà! Pour le nuit derrière la tapisserie. Quoi donc? Holà, au secours! Hamlet dégainant. Tiens, un rat! Il donne un coup d'épée dans la tapisserie. Mort! Un ducat qu'il est mort. Polonius, derrière la tapisserie. Oh, je suis tué! Il tombe et meurt. La reine. Oh mon Dieu, qu'as-tu fait? Ma foi, je ne sais pas. Est-ce le roi? Il soulève la tapisserie et traîne le corps de Polonius. Oh, quelle action insensée et sanglante! Hamlet. Une action sanglante, presque aussi mauvaise, ma bonne mère, que de tuer un roi et d'épouser son frère. Que de tuer un roi? Oui, madame. Ce sont mes paroles. Apollonius, toi, misérable impudent, indiscret imbécile, adieu. Je t'ai pris pour un plus grand que toi. Subis ton sort. Tu sais maintenant que l'excès de zèle a son danger. À sa mère. Cessez de vous tordre les mains. Silence. Asseyez-vous, que je vous torde le cœur. Oui, j'y parviendrai, s'il n'est pas d'une étoffe impénétrable, si l'habitude du crime ne l'a pas fait de bronze et rendu inaccessible au sentiment. Qu'ai-je fait pour que ta langue flagelle de ce bruit si rude? Une action qui flétrit la rougeur et la grâce de la pudeur, qui traite la vertu d'hypocrite, qui enlève la rose au front pur de l'amour innocent et y fait une plaie, qui rend les vœux du mariage aussi faux que les serments du joueur. Oh, une action qui du corps du contrat arrache l'esprit et fait de la religion la plus douce une rhapsodie de mots. La face du ciel en flamboie, et la terre, cette masse solide et compacte, prenant un aspect sinistre comme l'approche du jugement, à l'âme malade cette action. Hélas, quelle action qui gronde si fort dans cet exorde foudroyant! Regardez, mère, cette peinture-ci et celle-là. Ce sont les deux portraits des deux frères. Voyez quelle grâce respirer sur ce visage. Le front de Jupiter lui-même, l'œil pareil à celui de Mars pour la menace ou le commandement. L'attitude comme celle du héros Mercure quand il vient de se poser sur une colline à fleur de ciel. Un ensemble, une forme vraiment, où chaque dieu semblait avoir mis son sceau pour donner au monde le type de l'homme. C'était votre mari. Regardez maintenant, à côté. C'est votre mari, mauvais grain gâté, fratricide du bon grain. Avez-vous des yeux? Avez-vous pu renoncer à vivre sur ce sommet splendide pour vous vautrer dans ce marais? Ah, avez-vous des yeux? Vous ne pouvez pas appeler cela de l'amour, car, à votre âge, le sang le plus ardent s'apprivoise, devient humble et suit la raison. Il montre les deux tableaux. Et quel être raisonnable voudrait passer de ceci à ceci? Vous êtes sans doute doué de perception. Autrement, vous ne seriez pas doué de mouvement. Mais sans doute, la perception est paralysée en vous, car la folie ne ferait pas une pareille erreur. La perception ne s'asservit pas au délire à ce point. Elle garde assez de discernement pour remarquer une telle différence. Quel diable vous a ainsi attrapé à Colet-Maillard? Ô honte, où est ta rougeur? Enfer rebelle, si tu peux te mutiner ainsi dans les eaux d'une matrone, la vertu ne sera plus pour la jeunesse brûlante qu'une cire toujours fusible à sa flamme. Qu'on ne proclame plus le déshonneur de quiconque est emporté par une passion ardente, puisque les frimas eux-mêmes prennent feu si vivement, et que la raison prostitue le désir. Oh, ne parle plus, Hamlet. Tu tournes mes regards au fond de mon âme, et j'y vois des taches si noires et si tenaces que rien ne peut les effacer. Et tout cela pour vivre dans la sueur fétide d'un lit immonde, dans une tuve d'impureté mielleuse et faisant l'amour sur un sale fumier. Oh, ne me parle plus. Ces paroles m'entrent dans l'oreille comme autant de poignards. Assez, mon doux Hamlet. Un meurtrier, un scélérat, un maraud, dîme 20 fois moindri de votre premier seigneur, un bouffon de roi, un coupe-gourde de l'empire et du pouvoir qui a volé sur une planche le précieux diadème et l'a mis dans sa poche. Assez !